Chapitre 2. L'épouse, la veuve, la mère. 16e-18e siècle. Pour la femme mariée, comme pour la jeune fille, nous savons que les temps qui s'écoulent depuis la Renaissance, jusqu'à la fin du siècle dernier, nous offrent même contraste. Ici dominent les séductions du monde. Là règnent les fermes principes de la vie domestique. Les bals, les spectacles, les concerts, les mascarades, le jeu, les causeries frivoles et brillantes ravissent et enivrent les femmes. Elles vont au plaisir avec la même ardeur que les hommes vont au combat. La duchesse de Lorge, fille de Chamillard, se tue à force de plaisir, et mourante se fait encore transporter à cet étrange champ d'honneur. La femme est à elle seule un vivant spectacle. À la beauté, à l'esprit, à la grâce française, ces charmes souverains qu'elle réunit souvent, elle ajoute les ressources de la parure. Dans ce Moyen-Âge, où la vie sociale était assez restreinte, cependant pour elle, la femme ne se défendait pas toujours contre les entraînements du luxe. La femme se livre plus que jamais à cette passion, lorsqu'elle peut la déployer sur la brillante scène d'une cour. Dans les modes variés qu'ils nous offrent, les portraits du XVIe siècle nous permettent de juger combien le costume féminin se prêtait alors à toutes les richesses de la parure. Les perles et les pierreries serpentent dans les cheveux relevés et autour du cou. Les perles et les pierreries garnissent aussi la robe de drap d'or, fourrée d'hermine mouchetée, qui s'ouvre en carré sur la poitrine. Des perles encore serpentent sur le fichu bouillonné que termine la fraise et sont disposées entre les bouillons des manches à crever. J'emprunte, il est vrai, ces détails de costume au portrait de la reine Élisabeth d'Autriche, peint par François Clouet, au musée du Louvre, et à une miniature représentant la duchesse d'Étampes, miniature citée par M. Franck dans son édition de la Marguerite des Marguerites. Mais d'autres portraits du XVIe siècle, dus à Clouet ou à son école, témoignent que les femmes de la cour savaient lutter d'élégance avec une souveraine légitime ou illégitime. Des aiguillettes d'or et des plumes ornent la robe de velours noir que porte Sylvie Pic de la Mirandole, comtesse de la Rochefoucauld. Des perles d'or accompagnent la plume blanche d'une toque en velours noir posée sur sa blonde chevelure crêpée. Et le petit col plissé qui donne à cette toilette un caractère de simplicité n'empêche pas la jeune comtesse de porter au cou un cercle d'or ciselé où chatoient les pierreries. Les femmes d'alors, peintes aussi bien que parées, se condamnaient déjà à de véritables supplices pour obéir à la mode. Comme les contemporaines de Tibulle, une femme de Paris se fait escorcher pour donner à son visage une nouvelle peau. On n'avait pas encore inventé l'émaillage. Il y en a qui se sont fait arracher des dents vives et saines pour en former la voile plus molle et plus grasse, ou pour les ranger en meilleur ordre. Combien d'exemples du mépris de la douleur nous avons en ce genre? Que ne peuvent-elles, que craignent-elles, pour peu qu'il y ait d'agencement à espérer en leur beauté? Montaigne, qui nous révèle avec son indiscrétion ordinaire tous ses petits secrets, nous en apprend bien d'autres. Il a vu des femmes avaler jusqu'à du sable et de la cendre pour avoir le teint pâle. Il juge aussi ce que doit être supplice d'enfer que ces corps de baleine qui serraient la femme, oui, quelquefois, à en mourir. Ces détails ne sont malheureusement pas tous pour nous de l'archéologie. Que de temps perdu dans ces coins idolâtres que la femme prend de sa personne. Je vois avec dépit, en plusieurs ménages, monsieur revenir maussade et tout marniteux du tracas des affaires, environ midi que madame est encore après à se coiffer et à tiffer en son cabinet. Cette affaire aux reines, encore ne sais-je, il est ridicule et injuste que l'oisiveté de nos femmes soit entretenue de notre sueur et travail. Ce luxe, cette oisiveté de la femme, amène la ruine de la maison. Et ce n'est pas seulement la ruine, c'est le déshonneur, c'est le stigmate infamant du vol. Écoutons la voix austère du chancelier de l'hôpital. Tandis que la femme s'habille sans regarder sa fortune, nourrit des troupeaux de serviteurs et se promène dans un char comme pour triompher d'un mari vaincu, celui-ci, qui ne veut céder en rien à une telle épouse, dépense dans les plaisirs de la table, de l'amour et d'un jeu honteux, des biens acquis par le travail de ses parents. Quand la perversité a épuisé le patrimoine, on ose mettre la main au denier public. Rien ne peut combler le gouffre avide. La hideuse contagion gagne les autres citoyens et la République en est tout entière infectée. Sous Louis XIV, le mariage du duc de Bourgogne fut l'occasion des plus folles dépenses du luxe. Le roi, qui en avait cependant donné l'exemple, fut lui-même effrayé des ruines qui s'ensuivirent. Saint-Simon nous apprend que le roi s'est repenti d'y avoir donné lieu et dit qu'il ne comprenait pas comment il y avait des maris assez fous pour se laisser ruiner par les habits de leurs femmes. Il pouvait ajouter et par les leurs. Mais le noble duc nous dit que le petit mot lâché de politique, le roi prit grand plaisir au spectacle de cette magnificence. Paris avait lutté de splendeur avec la cour. On se représente ces robes, ici de point de France, là d'une étoffe d'or valant au moins 20 louis l'aune, ces pierreries et ces perles qui se mêlent aux 1000 boucles de la chevelure, et qui, à cette époque, où les fraises et les fichus sont supprimés, n'en ruissellent que plus aisément sur les épaules. Au XVIIIe siècle, voici les énormes paniers, avec leurs enguirlandements de fleurs, de fruits, de perles, de pierreries. Voici encore avec Marie-Antoinette les coiffures que la reine met à la mode, ces immenses échafaudages de plumes, de gazes, de fleurs, qui représentent un vaisseau, un bocage, une ménagerie. Les femmes ne peuvent plus se tenir droites dans leur voiture, elles s'y courbent ou s'y agenouillent. Le coiffeur est devenu un artiste qui fait payer cher ses productions. Madame de Matignon fait avec Bollard un traité de 24 000 livres par an pour que chaque jour il lui fournisse une coiffure nouvelle. Au temple, une faiseuse de rouge, Mademoiselle Martin, en vend le moindre pot 1 louis. D'autres pots de qualité supérieure coûtent jusqu'à 60 et 80 louis. Mademoiselle Martin a le privilège de faire fabriquer à Sèvres des pots de rouge qu'elle destine aux reines. À peine une duchesse en obtient-elle un par hasard. « C'est une vraie puissance », nous dit Madame d'Oberkirch. C'est une puissance aussi que Mademoiselle Bertin, la célèbre marchande de mode, qui traite d'égal à égal avec les princesses, admise dans l'intérieur de la reine Marie-Antoinette, délibérant avec elle des affaires de la toilette, elle montre avec suffisance dans sa clientèle le résultat de son dernier travail avec Sa Majesté, mystérieux conseil dans lesquels la jeune reine puisait le goût dominant de la parure, et excitait ainsi parmi les femmes de la cour cette rivalité d'ajustement, qui cette fois, comme toujours, ruinait les familles et brouillait les ménages. Mademoiselle Bertin fit une banqueroute de 2 millions. Ce chiffre se conçoit à une époque où une jeune femme, honnête, faisait en 10 mois 70 000 francs de dette, et où la princesse de Guéméné devait 60 000 livres à son cordonnier. L'ancien régime, la plaie du luxe étant partout alors. Le mal a envahi jusqu'aux campagnes, et un curé de village dit en 1783 « Les servantes d'aujourd'hui sont mieux parées que les filles de famille ne l'étaient il y a 20 ans. » Par leur luxe insensé, les femmes croient ajouter à cette royauté que leur concède l'opinion, et dont le Moyen-Âge leur avait donné le sceptre. Reines, elles le sont en effet. Les rois eux-mêmes reconnaissent cette gracieuse majesté. Comme Louis XII, François Ier, François II, font profession de respecter les dames. Charles IX et Louis XIV saluent toutes les femmes qu'ils rencontrent, et le premier de ces deux rois ne souffre pas que l'on médise d'elles. Le XVIIIe siècle fait de la femme non plus seulement une reine, mais une idole à laquelle ils prodiguent des hommages, aussi peu respectueux dans le fond qu'ils sont délicats, raffinés dans la forme. Le caractère de la royauté féminine a en effet bien changé depuis le Moyen-Âge. Le chevalier défendait l'honneur de toutes les femmes, choisissait la dame de ses pensées et lui gardait sa fidélité. Défendre l'honneur des dames, garder à une seule sa fidélité, ce n'est point là, tant s'en faut, le but que poursuit l'homme de cour, qui, bien au contraire, fait son possible pour compromettre toutes les femmes qui ne se piquent guère d'être fidèles à une seule, surtout si cette femme est la sienne. Il n'est pas de bon ton d'ailleurs d'aimer sa femme. La froideur entre les époux est en effet le moindre des maux que la vie de cour entraîne à sa suite. Au XVIe siècle, cependant, par un reste des bonnes vieilles coutumes, les époux osent encore s'aimer aux yeux du monde, témoin le charmant ménage que l'Heptaméron met en scène, Hircane et Parlamenté, qui assaisonne d'un grain d'aimable taquinerie une affection qui se sent plus encore qu'elle ne s'exprime. Mais quand l'intérêt est la cause de tant de mariages, l'indifférence, l'hostilité même, en sont les résultats ordinaires. Si le mari doit à sa femme de grandes alliances ou une grande fortune, elle l'écrasera de cette supériorité. a-t-elle sur lui des avantages tout personnels, un mérite dont elle est infatuée, une beauté dont elle est fière, elle trouvera encore dans les dons qu'elle possède ou qu'elle s'attribue des motifs d'orgueil qui abaisseront d'autant plus son mari à ses yeux qu'ils l'exalteront elle-même. Il y a des ménages où la femme paraît tant que le mari ne s'aperçoit jamais. Ne pourrait-on point découvrir l'art de se faire aimer de sa femme ? Demande alors la Bruyère. Plus d'une femme aurait pu retourner la question du moraliste. À l'une ou à l'autre de ces questions, il aurait pu être répondu que pour trouver l'amour dans le mariage, il n'aurait pas fallu y chercher l'intérêt. Et ce reproche-là fallait-il l'adresser à celui qui avait poursuivi le marché, ou à celle qui en avait été l'objet et souvent la victime ? Au temps de la Bruyère, il est déjà de mauvais goût de se montrer en public avec sa femme. Au XVIIIe siècle, la séparation est totale entre les époux mondains. Ce n'est pas seulement la vie de cour, c'est la vie de salon, si animée et si charmante alors, qui étouffe à Paris comme à Versailles la vie de famille. Quand les époux sont haut placés, dit M. Taine, l'usage et les bienséances les séparent. Chacun a sa maison, ou tout au moins son appartement, ses gens, son équipage, ses réceptions, sa société distincte, et comme la représentation entraîne la cérémonie, ils sont entre eux, par respect pour leur rang, sur le pied d'étrangers polis. Ils se font annoncer l'un chez l'autre, ils se disent « Madame, Monsieur », non seulement en public, mais en particulier. Ils lèvent les épaules quand à 60 lieues de Paris, dans un vieux château, ils rencontrent une provinciale assez mal apprise pour appeler son mari « mon ami » devant tout le monde. Déjà divisés au foyer, les deux vies divergent au-delà par un écart toujours croissant. Le mari a son gouvernement, son commandement, son régiment, sa charge à la cour, qui le retiennent hors du logis. C'est seulement dans les dernières années que sa femme consent à le suivre en garnison ou en province, d'autant plus qu'elle est elle-même occupée, et aussi gravement que lui, souvent par une charge auprès d'une princesse, toujours par un salon important qu'elle doit tenir. En ce temps-là, la femme est aussi active que l'homme, dans la même carrière, et avec les mêmes armes, qui sont la parole flexible, la grâce engageante, les insinuations, le tact, le sentiment juste du moment opportun, l'art de plaire, de demander et d'obtenir. Il n'y a point de dame de la cour qui ne donne des régiments et des bénéfices. À ce titre, la femme a son cortège personnel de solliciteurs et de protégés. Et comme son mari, ses amis, ses ennemis, ses ambitions, ses mécomptes et ses rancunes propres, rien de plus efficace pour disjoindre un ménage que cette ressemblance des occupations et cette distinction des intérêts. Ainsi relâché, le lien finit par se rompre sous l'ascendant de l'opinion. Il est de bon air de ne pas vivre ensemble, de s'accorder mutuellement toute tolérance, d'être tout entier au monde. En effet, c'est le monde qui fait alors l'opinion, et par elle, il pousse aux mœurs dont il a besoin. Vers le milieu du siècle, le mari et la femme logeaient dans le même hôtel. Mais c'était tout. Jamais ils ne se voyaient. Jamais on ne les rencontrait dans la même voiture. Jamais on ne les trouvait dans la même maison, ni à plus forte raison, réunis dans un lieu public. Un sentiment profond eût semblé bizarre, et même ridicule, en tout cas, inconvenant. Il eût choqué comme un aparté sérieux dans le courant général de la conversation légère. On se devait à tous. Et c'était s'isoler à deux. En compagnie, on n'a pas droit au tête-à-tête. De l'indifférence à l'infidélité, il n'y a qu'un pas, et dans les trois siècles qui nous occupent, ce pas est souvent franchi par la femme aussi bien que par l'homme. Elle eût même été élevée dans une pieuse maison, l'énivrante atmosphère où elle vit lui fait trop souvent perdre le sens moral. Ces spectacles enchanteurs, où toutes les harmonies de la poésie et du chant prêtent à l'amour leurs accents d'une pénétrante douceur, ces hommages dont le monde entoure la jeune femme et qui bien des fois contrastent avec la froideur de son mari, les trahisons même de celui-ci, tout l'entraîne vers ce but si bien décrit par le poète. Dans le crime, il suffit qu'une loi en débute, une chute toujours attire une autre chute, l'honneur est comme une île escarpée et sans bord. On n'y peut plus rentrer, et dès qu'on en est dehors. Plus haut, le poète, ou plutôt le moraliste, a bien dépeint les dangers qui entouraient la jeune femme. Mais si, dans le XVIIe siècle, cette île escarpée a vu se fixer sur elle les regards désespérés des pécheurs repentants, le XVIIIe siècle n'a guère connu ses remords. Ce triste XVIIIe siècle où le vice déchirant le voile hypocrite sous lequel il s'était caché à la cour du grand roi vieillissant éclatait dans les orgies de la régence et du règne de Louis XV. Sur 20 seigneurs de la cour, 15 ont pour d'indignes créatures abandonné leurs femmes, qui ne s'en plaignent guère d'ailleurs, et la ville suit l'exemple de la cour. Depuis la Renaissance, le monde très complaisant pour les fautes du mari ne trouve pas mauvais que la femme se venge de l'infidèle en le trompant. Tel n'est pas toujours l'avis du mari offensé, comme certains personnages de l'Heptaméron. Il veut que toutes les femmes soient légères, il en excepte la sienne. Et comme le comte d'Almaviva le sera en plein XVIIIe siècle, il est à la fois volage et jaloux, jaloux jusqu'à faire reparaître dans le courtisan le justicier du Moyen-Âge, jaloux jusqu'à séquestrer, à tuer, à empoisonner la coupable. Ces fureurs tragiques, qui appartiennent au XVIe siècle, se perdent dans les siècles suivants. Boileau rend un ironique hommage aux Parisiens, gens de douce nature et mari bon chrétien. Au XVIIIe siècle surtout, en dépit d'Almaviva, un mari qui voudrait seul posséder sa femme, dit Montesquieu, serait regardé comme un perturbateur de la joie publique et comme un insensé qui voudrait jouir de la lumière du soleil à exclusion des autres hommes. D'ailleurs, la jalousie est de mauvais ton. Un mari outragé, un duc, vient se plaindre à sa belle-mère de sa femme qu'il l'a déshonorée. La belle-mère, qui a de bonnes raisons pour excuser les fautes de cette espèce, répond à son gendre avec le plus grand sang-froid. « Eh, monsieur, vous faites bien du bruit pour peu de choses. Votre père était de bien meilleure compagnie. » Beaucoup de maris sont en vérité de fort bonne compagnie dans ces trois siècles de corruption. L'un se laisse trahir avec candeur par une femme tristement habile à ce jeu. Un autre ferme les yeux sur les désordres de sa femme pour qu'elle lui passe les siens. Plus méprisables encore, des époux acceptent un déshonneur qui leur vaut d'infâmes honneurs. On connaît la patience conjugale des ducs de Soubise et de Roquelaure, qui, trouvant que la beauté heureuse était sous Louis XIV, suivant l'expression du duc de Saint-Simon, la dot des dotes, mettent en pratique cette étrange leçon. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore, et sans doute il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Certains maris sont plus abjects encore. Ils ne se laissent pas seulement indemniser de leur honte. Ils proposent eux-mêmes le marché. Fait bien digne de ces temps où un père, une mère, vendaient leurs filles. Brantôme dit qu'à son époque, l'immoralité avait gagné les provinces et que des maris envoyaient leurs femmes à Paris pour plaider leur cause devant les juges. On aime à opposer à ces indignes époux le marquis de Montespan, portant le deuil de la femme qui a mieux aimé être la maîtresse d'un roi que la fidèle compagne d'un gentilhomme. Quant à la femme, que sa honte élève si haut, elle n'a guère que l'orgueil de sa nouvelle situation. Pour une Lavalière, moins coupable assurément, puisqu'elle n'avait pas de mari à déshonorer, pour une petite Violette qui se cachait sous l'herbe et qui était honteuse d'être maîtresse, d'être mère, d'être duchesse, voici une marquise de Montespan, voyant légitimer les enfants nés d'un double adultère, et reine aux yeux de tous, montrant à la cour, sous les flots de ses dentelles et les feux de ses pierreries, une triomphante beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs. Le règne qui suit celui de Louis XIV n'était pas fait pour effacer de tels scandales. La place de la reine de France est alors occupée par des femmes tombées assurément de moins haut que Madame de Montespan. Faut-il nommer Jeanne Poisson, marquise de Pompadour, de par la faveur royale? Faut-il abaisser encore plus nos regards et chercher Jeanne Vaubernier dans une fange si épaisse que pour la comtesse du Barry, c'est montrer de quelques degrés dans la boue que de faire succéder le roi à toute la France? Et ces femmes ne seront pas seulement les maîtresses de Louis XV. Par lui, elles gouverneront et déshonoreront la France. Quand l'ignominie est publique et triomphe, comment s'étonner de cette phrase de La Bruyère? Il y a peu de galanterie secrète. Bien des femmes ne sont pas mieux désignées par le nom de leur mari que par celui de leurs amants. S'il est en effet des femmes qui, joignant le sacrilège au vice, cachent leur désordre sous le voile de la dévotion, d'autres le savent même plus rougir. Et comme les matrones de la Rome impériale, elles se disputent honteusement des comédiens, des danseurs, des musiciens. Pour mieux lutter avec la courtisane, de grandes dames du XVIe siècle lui demandent des leçons. La courtisane, son règne commence alors et ne cesse de s'étendre. La plus célèbre fait revivre pendant les deux derniers tiers du XVIIe siècle le type de l'hétaïre grec, aussi séduisante par l'esprit que par la beauté. Ninon de l'Enclos, cette dangereuse créature qui fait perdre à ses adorateurs jusqu'à la foi religieuse, exerce son pouvoir sur trois générations, fût-ce dans la même famille. Le règne de la courtisane croît avec les scandales du XVIIIe siècle. Madame d'Oberkirch, se plaint que la cour et les coulisses se mêlent beaucoup trop. Les filles de théâtre prennent une importance extraordinaire. Pour couvrir d'or et de bijoux d'indignes créatures, les hommes se ruinent. La maison de Mademoiselle Dervieux vaut la rançon d'un roi. La cour et la ville y ont apporté leur tribut. Fragonard commence un plafond pour la demeure de la danseuse Guimard, et David l'achève. La grande dame visite comme un musée la maison de la courtisane. Elle ne lui en veut pas toujours du tort que celle-ci lui fait. La princesse des nains, que son mari délaisse pour une actrice, Mademoiselle Arnoux est enchantée que le prince ait des occupations. Un homme désœuvré est si ennuyeux. La légèreté et parfois la dépravation du langage sont au niveau des mœurs qui dominent du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Une femme que Brantôme qualifie d'honnête écrit un conte pour narrer d'ignobles aventures qui lui sont personnelles. La morale de ce récit est que le plaisir de tromper un mari ajoute du prix à la faute commise. Bussy Rabutin conseille à Madame de Sévigné d'agréer la cour du prince de Conti et lui demande impertinemment la survivance. Le mariage du duc de Ventadour est l'objet de propos aussi légers que spirituels. On peut se faire une idée de la liberté de langage qui régnait alors en lisant ce qu'écrivait au XVIe siècle Marguerite d'Angoulême et au XVIIe siècle, avec une crudité moindre, Madame de Sévigné. Et cependant, ces deux charmants écrivains étaient d'honnêtes femmes. Au XVIIIe siècle, Madame d'Oberkirch, élevée dans les mœurs sévères de l'Alsace, est si étonnée de la désinvolture de langage avec laquelle s'exprime Madame de Clermont-Tonnerre que celle-ci s'arrête court. En rappelant ce fait, Madame d'Oberkirch ajoute « Je ne puis me faire à ses manières élégantes, et je crois que je ne m'y ferai jamais. » Les grandes dames n'étaient pas plus réservées dans leur lecture que dans leur conversation. Les contes de La Fontaine sont lus par d'honnêtes femmes. Au temps des Valois, un horrible ouvrage est acheté son pesant d'or par des femmes du monde. Nous savons déjà qu'à la même époque, les plus infâmes gravures n'effrayaient ni les jeunes filles ni les femmes de la cour. Deux siècles plus tard, les provocantes peintures de Boucher n'effaroucheront pas les belles dames. Ces femmes mondaines ne sauront bien souvent faire respecter en elles ni la dignité de la veuve, ni l'autorité de la mère. Cette femme qui, à la mort de son mari, semble ou dans la défaillance de l'agonie ou dans la folie du désespoir, joue plus d'une fois une triste comédie. Or, d'après tous ces grands mystères, joués ainsi qu'un grand torrent, après avoir fait son cours et violent effort, se vient à remettre et retourner à son berceau comme une rivière qui a aussi été débordée. Ainsi aussi, voyez-vous, ces veuves se remettre et retourner à leur première nature, reprendre leurs esprits, peu à peu se hausser de joie, songer au monde. Au lieu de têtes de mort qu'elles portaient, ou peintes, ou gravées et élevées, au lieu d'os de trépassés mis en croix, ou en lac mortuaire, au lieu de larmes ou de jaillets, ou d'or maillé, ou en peinture, vous les voyez convertir en peinture de leurs maris portés au col, accommodés pourtant de têtes de mort et larmes peintes en chiffres, en petits lacs, bref, en petites gentillesses, déguisées pourtant si gentiment, que les contemplants pensent qu'elles les portent et prennent plus pour le deuil des maris que pour la mondanité. Puis, après tout, ainsi qu'on voit les petits oiseaux, quand ils sortent du nid, ne se mettent du premier coup à la grande volée, mais voletant de branche en branche, apprennent peu à peu l'usage de bien voler. Ainsi, les veuves sortant de leur grand deuil désespéré ne le montrent au monde si tôt qu'elles l'ont laissé, mais peu à peu s'émancipent, et puis tout à coup jetant, et le deuil et le froc de leur grand voile sur les orties, comme on dit, et mieux que devant reprennent l'amour en leur reste. Plus d'une femme n'a vu en effet dans le veuvage que la liberté qui lui est donnée. Le veuvage, c'est le triomphe de la grande coquette. Molière ne l'a pas oublié. Et quel respect peuvent inspirer à leurs enfants ces femmes mondaines, qui n'ont pas su être mères, ou qui ne se sont souvenues de ce titre que pour exercer sur leurs filles une influence corruptrice? Devant des mœurs, ici légères, là dépravées, faut-il s'étonner des rigoureux jugements que portent sur les femmes les moralistes du XVIe et du XVIIe siècle? Faut-il s'étonner qu'au XVIIIe siècle, l'auteur de l'Esprit des lois ait prononcé cet arrêt sévère « La société des femmes gâte les mœurs ». Trouverons-nous désormais étrange que Montaigne parle trop souvent de la femme comme d'une esclave de harem et qu'il la méconnaisse au point de dire qu'elle est plus portée que l'homme à la sensualité? Grave erreur que celle-là, et dans laquelle a été bien loin de tomber un auteur qui de nos jours a dit cependant beaucoup de mal des femmes. Suivant Montaigne, la chasteté de la femme n'est que grimace, ou plutôt c'est une coquetterie de plus. Ainsi en juge La Rochefoucauld. Il est vrai que ce paradoxal écrivain donne d'autres mobiles encore à la vertu des femmes, la vanité, la honte, le goût du repos, le souci de la réputation, la froideur naturelle, ou bien quelque aversion pour l'homme qui les aime. Ailleurs, il dira plus insolemment encore, la plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés, qui ne sont en sûreté que parce qu'on ne les cherche pas. Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient lasses de leur métier. C'est odieux, mais l'indignation que cause de telles maximes ne diminue-t-elle pas quand on sait quelles femmes les hommes de cour avaient trop souvent sous les yeux? Elle prouvait aux moralistes qu'il y avait peu de femmes dont le mérite survécut à la beauté. Ce n'est pas à dire qu'il faille recueillir comme un renseignement statistique le chiffre que Boileau nous donne quant au nombre de femmes fidèles. Et dans Paris, je ne sais bien compter. Il en est jusqu'à 3 que je ne pourrais citer. Boileau a pris soin de nous avertir que ce n'était là qu'une figure de rhétorique et qu'il ne fallait pas prendre les poètes à la lettre. Quoi qu'il en soit, il est évident que ce qui a frappé notre poète, ce n'est pas le grand nombre des honnêtes femmes.